Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la musique au temps de la Révolution française. La Marseillaise n'est pas née à Marseille, elle est née à Strasbourg. Et en effet, ce sont les colporteurs qui ont fait le succès de cette chanson en la faisant circuler en particulier jusqu'à Montpellier. De Montpellier, elle a atterri à Marseille. Et quand les soldats républicains de Marseille sont montés à Paris, comme on disait, eh bien, ils chantaient cette chanson. Et c'est ce qui fait qu'elle s'est répandue très rapidement pour devenir le chant de la Révolution de 1789. La petite histoire de la Marseillaise, racontée en quelques secondes par l'auteur français Pierre Grose à l'émission La 11e heure en 1998. La Marseillaise est en effet un incontournable quand on s'attaque à l'histoire de la musique au temps de la Révolution française. Ce chant emblématique de la période révolutionnaire, va même devenir, et très rapidement, l'hymne national des Français. J'ai lu un petit mot du poète Frameri qui disait des œuvres de Gossec. Enfin, la musique a retrouvé son but, à réunir les citoyennes, à faire sortir les sentiments les plus doux, leurs âmes inspirées par les charmes des mélodies et la douceur des harmonies. Sur la marche lugubre de François-Joseph Gossec, vous entendiez la musicienne Susie Naper à l'émission Les Belles Heures en 1989. Le compositeur François-Joseph Gossec est intimement associé à cette musique du temps de la Révolution française. Sa musique est jouée dans les grandes fêtes révolutionnaires. On va dire de lui qu'il a donné un son à la Révolution, rien de moins. Pour nous parler de la musique au temps de la Révolution, je reçois Mathieu Lucier, bassoniste, professeur de musique à l'Université de Montréal, également directeur artistique de l'ensemble Arion. Mathieu Lucier, bonjour. Bonjour. Pourquoi, Mathieu Lucier, une émission sur la musique au temps de la Révolution française? Ben, parce qu'il y a comme une sorte de trou dans l'histoire de la musique en France, pour certains. Entre la mort de Jean-Philippe Rameau en 1764, puis l'avènement un peu de Berlioz au début des années 1830, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé en musique en France. Or, la France avait été une locomotive pour la musique en Europe au 18e siècle. Et donc, ce trou-là, c'est quelque chose, c'est une aberration, c'est quelque chose qui ne se peut pas. Donc, il s'est passé énormément de choses en musique. Et souvent, ce qu'on retient de cette période-là, ce sont justement des choses comme la Marseillaise, des œuvres de circonstances reliées à la Révolution, qui sont des œuvres de circonstances, qui n'ont pas toujours une grande valeur musicale, mais donc, pour moi, il y avait là un espace à explorer. Mm-hmm. Et en 50 ans, en fait, la musique française a fait un bond d'une grandeur et à une vitesse peu comparable à ce qui se passait ailleurs en Europe. Ouais. Vous parlez de Jean-Philippe Rameau. On va tout de suite écouter quelques notes de son travail pour partir de la musique, de ce qui existait au fond. On va voir d'où on partait avant ce grand trou, ce qui existait avant cette période de la Révolution française musicalement en France. Jean-Philippe Rameau, dont on entend un extrait de la pièce « Entrée des peuples », c'est probablement, Mathieu Lucier, le grand compositeur français d'avant la Révolution. Ça ressemble à quoi, cette musique française, avant la période révolutionnaire? Mais Rameau, en fait, c'est un des plus grands compositeurs de l'histoire de la musique, point, d'une certaine façon. Et il est extrêmement à la fois dans la tradition et moderne. Rameau va avoir le génie de prendre la musique où Lully, Louis XIV, l'ont codifiée à la fin du 17e siècle, et sans en changer la forme, puisqu'il y avait un attachement à cette forme-là, la rendre extrêmement moderne par le traitement qu'il fait de l'orchestre, notamment l'utilisation des instruments avant. Oui. Donc, il y a des sonorités extrêmement nouvelle, très moderne que Rameau va créer avec les instruments avant, avec les instruments de percussion, ce qui va donc préfigurer un peu les couleurs de l'orchestre romantique. Mais donc, il a fait tout ça en superposant ces nouvelles couleurs à une forme musicale baroque solide auquel les institutions françaises tenaient. Oui. Donc, c'est à la fois un réformateur et un traditionnel, et donc, il symbolise en ça très, très bien ce qu'était la vie musicale pour toute la première moitié du 18e siècle. Mais dans cette première moitié du 18e siècle, en fait, à mi-chemin, autour de la moitié du siècle, va se produire un grand basculement qui va vraiment provoquer de très, très fortes émotions quand la musique de Pergolesi arrive. Alors, avec la musique de Pergolesi, la France bascule, Mathieu Lucier, dans ce qu'on va appeler la querelle des bouffons. C'est un épisode important, très important, dans l'histoire de la musique française. Racontez-nous de quoi on parle exactement. Bien, la querelle des bouffons, on pourra en faire toute une émission, en fait. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que la Serva Padrona, c'est un court intermède, un petit opéra que Pergolesi écrit dans les années 30, 1733. Et donc, mais c'est la représentation de cette œuvre de Pergolesi à Paris, dans les années 1750, qui vont en fait servir de prétexte, de bougie d'allumage pour une grande explosion, une querelle en fait, entre ce grand style français incarné par le roi, par Rameau et tout ça, et ce goût pour la nouveauté qui va être en fait associé aux Italiens en général, avec une musique beaucoup plus proche du cœur, beaucoup plus brillante, virtuose. Et donc, la France va se quereller, va se séparer en deux camps, les partisans de la grande culture française et les partisans de la musique italienne. Et ce sont les Français qui prennent le parti des Italiens, avec comme chef de file Jean-Jacques Rousseau, qui va non seulement tenter lui-même d'écrire de la musique, mais surtout se servir de sa plume pour écrire des propos extrêmement violent envers la musique française en disant que non seulement la musique, les Français n'ont pas de musique, mais que le français n'est pas une langue appropriée à la musique et qu'il faut vraiment prendre un virage. Et donc, il va y avoir cette polarisation-là. On va opposer Rameau, qui n'est pas nécessairement lui-même un partisan actif de la querelle, mais qui va symboliser la grande musique française et la musique de Pergolesi et de tous les compositeurs italiens, de toute façon, qui commencent à arriver à Paris. Et il y a plusieurs compositeurs de l'époque qui vont adapter un peu leur style. On pense à un Jean-Marie Leclerc, par exemple, qui est un contemporain, qui va, lui, incorporer des éléments de musique italienne dans sa musique. Et donc, c'est une querelle qui va quand même durer sur plusieurs décennies et qui va s'incarner à l'arrivée de chaque nouveau compositeur à Paris. Et cette crise-là, parce que c'est ça, une crise, la musique française qui est en crise profonde, ça arrive donc à peu près au milieu du 18e siècle, juste avant la Révolution. On marche là, tranquillement vers la Révolution de 1789. Venons-en justement à cette période révolutionnaire proprement dite. La musique va jouer un rôle important dans cette entreprise révolutionnaire. De quelle manière? Mais en fait, on s'était rendu compte justement avec cette querelle des bouffons que la musique italienne était plus proche du cœur, plus proche de l'esprit du peuple, des gens. Et donc, en 1789, il y a plusieurs bouleversements politiques, sociaux, religieux. On se débarrasse de la religion, on se débarrasse de toutes les institutions politiques. Il faut créer une nouvelle mythologie. On a des messages à faire passer. Oui. On a de la propagande à faire passer. Et quoi de mieux que la musique pour ça? Donc, rapidement, les gens en charge des institutions révolutionnaires qui sont mises en place souvent un peu dans la hâte se rendent compte que la mission de la musique peut être d'instruire, de transmettre, de communiquer. Donc, on va créer de la musique pour les nouvelles célébrations. Toutes les célébrations qui vont avoir lieu le 14 juillet en 90, 91, 92 pour célébrer la prise de la Bastille, pour les grandes victoires sur les armées des envahisseurs qui tentent de rétablir le roi sur le trône de la France. Donc, on se sert de la musique, une musique simple, une musique accessible. Donc, on a retenu nos leçons de la querelle des bouffons. Et là-dessus, on met un propos profondément politique, révolutionnaire. On fait passer nos idées sur des mélodies bon enfant qui sont facilement mémorisables par l'ensemble de la population. Si un chant associé à la Révolution française, bien sûr, c'est ce qu'on entend, la Marseillaise. Pierre Gros, au tout début de l'émission, raconte un petit peu l'histoire de la Marseillaise, mais revenons-y un peu plus longuement. Comment elle émerge, cette Marseillaise? Bien, elle émerge en marge d'un des nombreux foyers révolutionnaires qui s'allumaient un peu partout en France. Donc, on entendait que ça part de Strasbourg, c'est récupéré par des gens qui partent du sud de la France, de Montpellier, qui montent vers Paris. Donc, il y a plusieurs chants qui sont écrits, des chants qui sont toujours écrits à la hâte pour une célébration. La Marseillaise avait une première fonction qui servait certainement à mettre en musique les célébrations pour les fêtes de la liberté de ce soir-là. Ouais. Ensuite, il y a certaines mélodies qui tombent dans l'oubli, d'autres dont on se rend compte du potentiel rassembleur. Et je parlais tout à l'heure de messages politiques sur des mélodies entraînantes et facilement mémorisables. La Marseillaise, c'est l'exemple ultime. C'est entraînant, c'est positif, ça galvanise une foule, mais les mots sont d'une extrême violence. Oui. Hein? Qu'un sang impur abreuve vos sillons, tout ça, on mettrait ça sur de la musique plus sombre, plus compliquée, ça deviendrait absolument imbuvable et déprimant. Oui. Mais là, ça exalte une ferveur. Donc, qu'est-ce qui fait que la Marseillaise s'est imposée? Est-ce que c'est la qualité du texte, c'est la combinaison de cette musique-là? Ce qu'on sait aussi, c'est que la première personne à orchestrer ce chant-là, c'est François-Joseph Gossec, une figure incontournable de l'époque, qui avait, si ce n'est le génie mélodique, au moins le génie des masses orchestrales, qui savait comment créer les contrastes, toucher les cœurs. Ouais. Et donc, c'est ce chant-là qui va faire son chemin et qui va être, oui, adopté assez rapidement par la Convention comme hymne national de la Nouvelle-France républicaine. Bien qu'il y ait de la compétition, parce qu'il y en a beaucoup de chants. C'est l'époque. On en écrit, vous le dites, dans la hâte des chants révolutionnaires. Et il n'y a pas que la Marseillaise, qui est considérée comme un grand chant révolutionnaire républicain. Il y a un autre chant, le chant du départ d'Étienne-Nicolas Méhul, qui va carrément faire concurrence un temps à la Marseillaise, Mathieu Lucien. Oui, le chant du départ, en fait, est écrit en 1794 pour célébrer, encore une fois, une victoire militaire. Et Méhul écrit ça en 1794. Et, en fait, rapidement, le chant du départ est non seulement en compétition, mais parfois même plus populaire que la Marseillaise. Et Napoléon, lui, quand il va se couronner empereur en 1804, n'aime pas la Marseillaise et va donc remplacer l'hymne national de la Marseillaise par le chant du départ, qui va rester à la restauration des Bourbons en 1814-1815, l'hymne national de la France, jusqu'à la Révolution de 1830. Donc, si on prend les 40-45 premières années de la Révolution, c'est beaucoup plus le chant du départ qui est le chant de la Révolution. Et le chant du départ est toujours aussi chanté dans les célébrations. L'imagination populaire est frappée par la Marseillaise, mais en fait, les recettes de la Marseillaise, on les retrouve dans le chant du départ. Plusieurs couplets, on met en scène des propos patriotiques et touchants chantés par des soldats, par des vieillards, par des enfants, pour que toutes les couches de la population se retrouvent touchées. Et ça donne ceci, ce fameux chant. La victoire en chantant nous ouvre la barrière, la liberté qui de nos pas et du nord au midi, la trompette guerrière a sonné l'heure des combats. Trompes ennemis. Qu'est-ce qu'il est devenu, ce chant du départ, aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui? Mathieu Lucier, vous disiez, pendant quelques années quand même, ce sera l'hymne national plutôt que la Marseillaise. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de ça, de ce chant-là, pour les Français? Bien, il est toujours aussi présent. Oui? Je dirais qu'il est certainement en deuxième place. La Marseillaise a vraiment gagné la première place pour de bon. Mais dans toutes les manifestations, je ne suis pas un spécialiste des célébrations du 14 juillet de nos jours, mais on a des enregistrements du chant du départ. Les Français connaissent cette mélodie-là. Les jeunes un peu moins, évidemment. Mais donc, c'est pas tombé dans l'oubli. Il y a plusieurs autres chants de l'époque qui étaient très, très présents sur la scène politique musicale au 18e siècle qui sont disparus. Mais le chant du départ, lui, n'a jamais quitté l'affiche. On a des enregistrements récents. Olivier Messiaen, en captivité, va faire un chant des déportés pendant qu'il est en camp de concentration durant la Deuxième Guerre mondiale qui est rattaché par sa forme et même par sa structure mélodique au chant du départ. Donc, ça fait vraiment partie de la culture musicale de cette époque-là, encore pour les Français d'aujourd'hui. Évidemment, sont les républicains qui vont gagner cette bataille de la Révolution. Mais il y a quand même deux camps. Il y a les républicains, bien sûr, qui seront gagnants de l'exercice, mais il y a aussi les royalistes. Et ils auront eux aussi. Ça, c'est intéressant. On l'a un peu oublié. Mais ils auront aussi leur chant. Ouais. En 1794, Robespierre est guillotiné. Alors, c'est la fin de la Terreur. Alors, il y a une espèce de rebalancement des efforts et on se dit, on est peut-être allé trop vite, on est peut-être allé trop loin. Et donc, les royalistes, qui avaient été sérieusement malmenés pendant les années de la Terreur particulièrement, reprennent un peu du poil de la bête et vont avoir leur chant à eux, qui s'appelle « Le réveil du peuple contre les terroristes ». Alors, un titre qui résonne avec notre actualité peut-être un peu. Et dans ce chant-là, qui est écrit par Pierre Gaveau, en fait, on dénonce les terroristes. Les terroristes, c'est les révolutionnaires extrêmes qui sont allés trop loin, qui ont fait couler le sang des rois. Alors, il faut se replonger dans cette atmosphère complètement folle des théâtres en 1795, où le public exigeait à grands cris, au début, au milieu, pendant les représentations, tantôt la Marseillaise, tantôt le chant du départ, tantôt le réveil du peuple contre les terroristes. Il y a des directives qui ont été passées dans les théâtres pour dire on va jouer tous ces chants-là au début et à l'entracte de chaque représentation pour faire plaisir à tout le monde, jusqu'à ce que cet excès-là soit jugé justement un excès et qu'à partir de quelques mois plus tard, il y a une nouvelle directive qui part du gouvernement en disant on n'a plus le droit de jouer ni le chant du départ, ni la Marseillaise, ni le réveil du peuple contre les terroristes avant les représentations d'opéra parce que là, ça suffit. Et puis à côté de toute cette grande musique révolutionnaire ou contre-révolutionnaire, il y a les chants qui viennent de la culture populaire. Alléluia! Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Quand on voit le jadis du clergé par là, comme un prophète, il a prédit cela, en chantant ma chansonnette. Avec plaisir, on dira, ah, ça ira, ça ira, ça ira. Ça, c'est un des chants qui vient de la culture populaire, ah, ça ira. Ça a été repris plus tard avec des paroles un peu modifiées par Édith Piaf, mais il y a ça aussi, ces chants qui viennent vraiment de la base et qui sont des chants révolutionnaires. Mais pour passer notre message, on a besoin, oui, d'inventer une nouvelle musique, mais quoi de mieux qu'utiliser des mélodies qui existaient déjà dans la culture populaire. Ça, c'était une contredanse qui avait été écrite par un monsieur Bécourt. Donc, c'est une mélodie que tout le monde avait un peu à l'oreille. Et donc, les premiers révolutionnaires vont écrire toute une série de paroles sur cette mélodie-là. Et donc, pour les gens, on n'a pas à apprendre une mélodie, on n'a qu'à apprendre les paroles. Et oui, Édith Piaf en a fait une série, mais il y a toutes sortes de versions du « Ça ira » dans les années 1790. Il y en a qui sont plus violentes, plus obscènes, plus politiques. Alors, c'est vraiment ça, on instrumentalise une musique qui appartient au peuple. Donc, c'est une musique populaire à laquelle on superpose un message politique. Ouais. On a parlé de François-Joseph Gossec. C'est une des figures importantes de cette musique du temps de la Révolution. Il y en aura quelques-unes. Une autre, probablement aussi très importante, c'est celle d'Étienne-Nicolas Méhul. Quel genre de musique ils feront, ces deux-là, et quel rôle ils joueront dans cette entreprise musicale révolutionnaire? En fait, Gossec est très important justement pour faire cette transition avec Rameau. Gossec est né en 1734 et va mourir en 1829. Il va vivre 95 ans. Donc, il prend la musique où elle est à la mort de Rameau, mais il va y adjoindre toutes sortes d'influences qui viennent d'Italie, d'Allemagne, parce que dans les orchestres avec lesquels il joue à Paris, il y a des musiciens allemands, il y a des musiciens italiens. Donc, il va amener la musique de l'époque baroque à l'époque classique, il va européaniser d'une certaine façon la musique française, ce qui fait qu'en fait, on entend une musique de Gossec des années 1780. On peut difficilement la différencier d'une œuvre allemande ou italienne parce qu'elle devient plus européenne. Mais lui, c'est la génération d'après. Il va se concentrer d'abord sur l'opéra et va véritablement amener la musique française vers le romantisme. C'est la musique de Méhul qui va ouvrir l'esprit de Berlioz, jeune étudiant en musique, qui va découvrir cette musique-là et il lui dit, c'est comme si ça avait fait exploser le plafond du théâtre. Ouais. Méhul, c'est le premier romantique français. La musique ressemble un peu dans son affect, dans son tumulte à celle d'un Beethoven. C'est une musique qui est sombre, une musique qui est dramatique. Donc, en l'espace de 50 ans, Gossec et Méhul vont prendre une musique qui s'attardait dans le baroque pour la propulser vers le romantisme, rattraper le retard que la France, d'une certaine façon, avait pris au niveau du développement de sa musique. Donc, c'est vraiment les deux figures clés de cette évolution extrêmement rapide de la musique. Vous parliez, Mathieu Lucier, de la musique de Méhul qui nous rapproche de celle de Beethoven. On termine justement cette émission avec cet extrait de la symphonie héroïque de Beethoven, la troisième symphonie, ce qui nous permet de parler au fond de l'héritage de cette musique au temps de la Révolution française. Bien, en fait, ce qui est arrivé en France, les aspirations du peuple français à la liberté et tout ça, c'était pas uniquement centré sur la France. C'était des aspirations que tout le monde en Europe avait, se libérer d'une sorte de tyrannie, d'une espèce d'oppression, d'un style hérité du passé. Et quelqu'un comme Beethoven, qu'on associe peut-être plus que n'importe quel Français à la figure révolutionnaire, était très impressionné, très inspiré par ce qui se faisait en France. Ouais. Et donc, l'héritage de cette musique révolutionnaire, c'est une musique simple, efficace, qui parle directement au cœur, sans passer nécessairement par la tête. Mm-hmm. Et donc, cette espèce, c'est une musique de contraste, une musique d'émotion, une musique de l'instant. Et en ce sens-là, ce début-là de cette troisième symphonie, la symphonie héroïque de Beethoven, qui à l'origine était censée être dédiée à Napoléon Bonaparte avant qu'il s'autoproclame empereur. Donc, c'est une musique qui bouscule, une musique qui dérange. Alors, la Révolution française, c'est ça. C'est une révolution politique, c'est une révolution culturelle, mais c'est aussi une révolution musicale qui va avoir une influence par le développement aussi des instruments à vent, la fondation du conservatoire, ouais. va avoir des impacts sur le développement de la musique partout en Europe. Mathieu Lucier, bassoniste, professeur de musique à l'Université de Montréal, directeur artistique de l'ensemble Arion, c'était fascinant. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.